Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine du métal ce soir. Donc, 2 heures de métal en fusion qui vont augmenter la température. Bon, on n'a pas besoin de ça, mais bon, si on peut récupérer un petit peu de chaleur pour cet hiver, pourquoi pas. Donc, ce soir, ce qui vous attend, eh bien, 4 nouveautés. Et puis un petit retour de ce qu'il y a eu ces dernières semaines. Et aussi des petites choses un petit peu en rapport avec l'actualité. Eh bien, j'espère que vous êtes confortablement installés. On va commencer tout de suite très rock'n'roll avec ce qui était une des nouveautés de la semaine dernière. Les Français de Octane et leur 3e album, groupe qui existe depuis plus de 10 ans et pur rock'n'roll. On peut dire qu'Octane, bah, c'est clair que c'est un groupe qui roule pas au diesel. Donc avec 13 de l'album Back in the Game, sorti le 8 octobre dernier, c'est le morceau You Make Me High qui ouvre Electric Shock ce soir. You will be Rock'n'Roll from Sweden avec Thunder Mother et leur dernier album Black and Gold, c'était Wasted. Juste avant, bien de chez nous, Made in France, Octane et leur troisième album Back in the Game, c'était You Make Me High. Changeons de style et allons faire un petit tour en Germanie, plus exactement à Kaiserslautern, où Vandenplatz avait enregistré donc un de leurs concerts en 2016 qui vient de sortir actuellement cet été. En CD plus DVD, sous le titre de Live and Immortal, le morceau de ce soir, c'est Godmaker. Extrait du double CD DVD Live and Immortal de Vandenplace. Allons faire un petit tour maintenant en Irlande pour y retrouver les vétérans de Stranglewire, donc des vétérans de la scène métal locale qui se sont réunis en 2017 pour former ce groupe de death metal pur et dur qui vient de sortir donc son premier album après deux EP qui s'appelle Shaped by Human Frailty. Et on va s'envoyer pour se décrasser les oreilles Heavy Medicated. Thank you. Qui vous nettoie les oreilles avec du fil de fer barbelé couvert d'acide et qu'on en redemande. C'est Electric Shock, bien sûr. Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Là, c'était les Faux Furieux de Slipknot avec un extrait de leur dernier album The End So Far, un album, comme je vous avais dit la semaine dernière, assez surprenant où il y a de très bonnes choses, mais un album qu'il faut vraiment apprivoiser. Une fois que c'est fait, vous allez devenir fan. Voilà. C'était Warranty. Juste avant, dans un registre plus death metal classique, donc les Irlandais de Stranglewire et leur premier album Shaped by Human Frailty et le morceau Heavy Medicated. Passons à quelque chose de beaucoup plus rock avec la première nouveauté de la semaine. C'est un nouveau live de Kiss dans la collection Off the Soundboard depuis bientôt un peu plus d'un an. C'est la quatrième sortie que les vétérans du hard rock britannique américains nous sortent. Après tout, c'est quand même mieux que d'enrichir les bootleggers. On a eu droit en juillet 2021 à un concert de Tokyo 2001. Un peu plus tard, on a eu un concert de 2004, le Virginia Beach. On a eu récemment, là, cet été, le concert de Donington 1996. Et là, la touche au tout bouillant nous a sorti la fin septembre un nouvel opus, un concert de la grande époque, puisqu'il a été enregistré à Des Moines. Tiens, là, comme par hasard, la ville des fous furieux de Slipknot. Et un concert enregistré donc le 29 novembre 1977, donc en pleine Kissmania, là où Kiss était vraiment à son apogée. Et à ce moment-là, le groupe venait de sortir son album Alive 2. Donc c'était la tournée qui soutenait ce live vraiment mythique maintenant. Alors là, attendez-vous à un Kiss beaucoup plus cru, beaucoup plus brut au niveau son, presque punk. On entend tout, les fausses notes, tout, c'est du live, comme ça devrait être, voilà, c'est ce qu'on peut dire. On va se faire un petit classique tout d'abord, parce qu'il commence le concert, I Stole Your Love. All right, Des Moines! You wanted the best and you got the best! The hottest band in the world, Kiss! We'll be right back. Ça, c'est du live comme je l'aime, brut, cru, sans retouche, imparfait, mais bon, un live, c'est pas censé être parfait. King of the Night Time World et I Stole Your Love, donc deux extraits du nouveau Off the Soundboard de Kiss, Des Moines 1977, et donc c'est la première nouveauté d'Electric Shock ce soir. Restons aux États-Unis, mais à quelque chose de beaucoup plus actuel. Par contre, eux, c'est clair qu'ils ont fait un petit retour dans le temps, puisqu'on se croirait plutôt à Woodstock. Et revenons au premier album de Birth, qui s'appelle Born. Et on va planer très haut avec Descending Us. We'll be right back. Ouais, vous pouvez éteindre l'encens et refermer le patchouli. C'était donc Burst avec un extrait de leur premier album Born sorti cet été. C'était le morceau Descending Us. On va continuer maintenant beaucoup plus vite. On va revenir au CD, non pas DVD, Blu-ray de Anthrax. XL, donc sorti donc pour leurs 40 ans de carrière, donc enregistré l'année dernière dans un théâtre vide de tout public, mais malgré tout ça n'a pas dérangé beaucoup visiblement nos New-Yorkais préférés, parce qu'ils ont eu autant de pêche à jouer dans ces conditions quand même un peu étranges, qui en fait ressemblent plus à une répétition voilà, grandeur nature qu'autre chose. C'est vrai qu'on aurait rajouté des cris de public entre chaque morceau, on aurait pu croire à un live d'Anthrax vraiment habituel. Donc pour ce live, il y a des classiques, des morceaux un peu plus rares, un peu de tout. Sauf, comme je vous le disais, la période John Bush, ça j'y reviendrai à chaque fois, parce que ça me reste un petit peu en train de la gorge, qui n'a pas été représenté, alors que le monsieur était quand même resté quand même plus de 10 ans dans le groupe, et a signé quelques beaux petits brûlots quand même. Bon, pour ce soir, on va se faire, pas un, mais deux classiques de la légende new-yorkaise, en espérant que la platine apprécie Anthrax, parce que la semaine dernière, elle s'est dit « Non, non, elle a fait un petit caprice, elle a dit « Non, non, je n'en passerai pas ». On a eu quand même une petite reprise de Discharge, mais on n'a pas eu le morceau souhaité. Enfin bref, continue moche, ça vous dit ? Allez, platine, t'es prête ? Tracks Forever, 40 ans de carrière et pourtant ils sonnent aussi furax qu'à leur début, ça c'est clair. Metal Thrashing Mad et Cotton & Mosh, donc deux classiques qu'on peut trouver sur le double CD plus Blu-ray. Hélas, il n'y a pas de version DVD, il faut avoir justement, c'est un peu dommage, de ce live d'Anthrax, donc célébrant donc leurs 40 ans de carrière. Dans, vous êtes dans un théâtre vide de public, mais c'est entendu, hein, ça le fait. Eh bien, on va se faire la deuxième nouveauté de la soirée. Et là, on va revenir bien chez nous, en France, avec un artiste, quand j'ai vu le CD, j'ai dit, putain, le nom me dit quelque chose, mais impossible de savoir d'où ça venait. C'est Sohan. Alors, Sohan, dire comme ça, je vois une pochette où on voit un type, la tête baissée, avec un chapeau sur la tête et une clope négligemment allumée. D'ailleurs, l'album s'appelle Négligé Chic, tout d'un programme. Et en grattant un peu, ben, je me suis aperçu que Sohan, finalement, c'était pas un inconnu, puisque j'avais vu son nom déjà dans les programmes télé, puisqu'il a fait partie des gens qui ont été dans les finalistes de La Nouvelle Star, je crois, en 2009. Et depuis, bah, il a fait continuer son petit bonhomme de chemin, faisant déjà plusieurs opus, assez rock. Un côté punk, et en même temps, des paroles très françaises, il n'y a pas à dire, avec certains jeux de mots, quand même. Comme le morceau de ce soir, de ce nouvel album, qui s'appelle donc Négligé Chic, comme je vous le disais, qui est sorti, je crois, il y a 8 ou 15 jours, puisque le morceau que je vais vous inviter à découvrir s'appelle Les Épouvants Trouvailles. Eh ouais, moi j'aime bien ce genre de jeu de mots. T'en fais du foin. S'ils sont à qu'un fait brûler, passons, t'as vu la gueule du monde. Les mecs tombent, ils croient qu'ils volent. Tu vas voir que dans 5 secondes, ils vont répondre à leur banquier. C'est depuis que la gueule du monde a pris de coups de pelle de la colle, à demi molle, à peine blonde, et puis le monde a compris. Double Négative, bah, si vous vous souvenez, on les avait eu en interview il y a 15 jours pour nous parler de leur album Shut Out the Wanderers, et c'était là le morceau Muddy Water. Deuxième nouveauté de la soirée avec le nouvel opus d'un rescapé de la nouvelle star Sohan et le morceau Les Épouvant Trouvailles. Moi j'adore ce jeu de mots. Extrait donc de ce dernier opus Négligé Chic. Changeons complètement de registre, allons dans quelque chose de beaucoup plus progressif. On va revenir, tiens, à l'album de Marillion, le dernier qui est sorti au printemps dernier, An Hour Before It's Dark, parce que Marillion, eh ben, ils seront en concert dimanche au Zénith à Paris, et ça, croyez-moi, ça c'est un truc que je ne veux pas louper. Pour avoir, bon, c'est vrai, je suis pas très objectif, je suis un grand fan de Marillion. Et leur dernier album m'a vraiment super beauté. Surtout que maintenant, depuis deux tournées, le groupe maintenant joue l'intégralité du nouvel album et après quelques classiques. Alors c'est peut-être un peu frustrant pour les nouveaux fans qui aimeraient entendre beaucoup de choses, parce que bon, bah quand on sait que leurs albums durent en moyenne entre une heure et quart, bah ça laisse peu de place après pour autre chose. Même si Marillion a tendance quand même à faire des concerts qui durent plus de deux heures sans problème. Donc malgré tout, je peux comprendre qu'un fan reste sur sa faim, mais moi j'ai qu'une hâte, c'est d'entendre cet album vraiment dans son intégralité, dans un contexte live. Ben, en attendant que je puisse vous raconter ça, on va se faire donc le premier morceau de l'album qui s'appelle « Be Hard on Yourself ». You'll be glad today. Magnifique comme toujours, Marillion avec Be Hard on Yourself, morceau qui se décline en trois parties, The Tear and the Big Picture, Lust for Luxury et You Can Learn. Donc c'est le morceau qui ouvre l'album An Hour Before It's Dark qui est sorti au printemps dernier. On vous avait passé des extraits d'ailleurs au moment de sa sortie. Et je vous rappelle donc que Marillion sera en concert dimanche au Zénith à Paris. Bah, je vous en raconterai un petit peu ce qu'il en sera la semaine prochaine. Dans la série Faisons du neuf avec du vieux, je voudrais Motorhead. Donc il y a ça quelques semaines est ressorti Iron Fist, l'album, le dernier album où figurait le trio original de Motorhead pour les 40 ans de sa sortie initiale. Donc est disponible en CD et en vinyle bien sûr. Donc on a l'album remasterisé, des démos dont on vous a passé quelques-unes ces dernières semaines, et le deuxième CD est un concert complètement inédit, enregistré donc à Glasgow le 18 mars 1982, où le groupe donc entamait sa tournée anglaise avant même que l'album ne soit sorti, une bonne façon aussi de tester les morceaux, voir comment le public réagissait. Donc ce live, pour ma part, je pense que les fans de Motorhead le connaissent puisqu'il est déjà il existait en bootleg depuis de nombreuses années sous plusieurs titres, sous le titre Live in Glasgow 1982 tout simplement. Aussi bien aussi, on peut le trouver sous un titre qui s'appelle The Iron Face in the Iron Glove. Ah, je sais, on ne devrait pas faire de la pub pour ce genre de produit, mais voilà. Car si je vous en parle, c'est parce que bon, le son de ce live sur très rugueux et très brut comme le sont toujours les albums de Motorhead. Mais ce qui m'a un peu surpris, voire même presque déçu, c'est que même oui carrément déçu, on peut dire, c'est que le bootleg sonne mieux que le live officiel. Oui, je trouve le son est plus clair. Bon, d'accord, il a moins de dynamique, il faut pousser le volume beaucoup plus haut, mais sinon le son est quand même donc la source était différente. Des fois, c'est des choses incompréhensibles. J'ai du mal à comprendre pourquoi ils ont peut-être pas eu accès au master. Toujours est-il que malgré tout, ce live vaut quand même son pesant de cacahuètes. Et là, on va se faire donc deux petits brûlots extraits donc de l'album Iron Fist pour le faire bien rentrer dans le crâne des gens. Tout d'abord, le morceau qui a donné son titre à l'album. pas à dire, c'est toujours aussi bon. Heart of Stone et Iron Fist, donc deux extraits de l'album Iron Fist, bien sûr, mais ça, c'est extrait donc du CD bonus de la réédition de l'album Iron Fist, bien sûr, live at Glasgow, 18 mars 1982. Décidément, Motorhead nous manquera toujours. Eh bien, on va se faire une nouveauté. Pour ça, on va faire un petit tour en Italie. On va retrouver un groupe qui s'appelle Evenflow, qui existe depuis déjà, une bonne dizaine d'années. Et c'est déjà leur quatrième EP à ce jour. Moi, à l'écoute de cet album, j'ai eu qu'un regret, c'est que ce ne soit pas un album complet, parce que c'est 23 minutes, non seulement parce comme une lettre à la poste, mais on se dit, putain, déjà? Parce que bon, c'est très bien fait. C'est peut-être pas le groupe le plus original, mais c'est très bien fait, superbement bien produit. C'est vraiment une belle invitation au voyage. Alors, il y a des côtés par moments power metal, enfin plein de choses très intéressantes que je vous invite tout de suite à découvrir avec le morceau Ocean Lies. There are Affairs avec un extrait de leur deuxième album Helio, c'était Algorithmic Sentence. Juste avant, venu d'Italie et troisième nouveauté pour Electric Shock, le groupe Evenflow et son quatrième EP Méditerranéo sorti le 3 octobre et c'était Ocean Lies. Ça c'est pour tous les amoureux de métal progressif. On continue maintenant, on va revenir à ce qui était une des nouveautés la semaine dernière, c'est-à-dire le live de Deep Purple, Bombay Calling, enregistré donc à Bombay il y a de ça un peu plus de 25 ans. Au tout début où Steve Morse rejoignait le groupe, où il était donc en train de faire ses classes, donc ça nous donne une setlist un petit peu différente de ce qui aura suivi, même si le pourpre en a profité pour rejouer des morceaux que Blackmore ne voulait pas jouer, comme par exemple Pictures of Home, Maybe I'm a Leo, When a Blind Man Cries, et j'en passe, c'est les meilleurs. Et sur ce live aussi figure une superbe version du morceau Anya, qui à l'origine était donc sur l'album The Battle Rages On. Et si vous avez le live de Stuttgart 93, vous vous souvenez peut-être que Blackmore nous faisait un superbe solo introductif pendant le morceau, juste avant le morceau et aussi pendant le morceau, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs de tous les concerts. Et ben là, Steve Morse s'y colle, mais par contre de façon quand même différente du sur Blackmore. Parce que bon, les gars de Purple, au moins ils ont eu l'intelligence de lui dire: écoute, joue les morceaux comme tu le sens, ne copie pas ce que faisait l'ami Blackmore. Et c'est vrai que Steve Morse, c'est ce qu'il a fait pendant plus de 28 ans, avec un bonheur vraiment parfait. Donc ce soir, eh bien, c'est ce morceau sublime qu'on va se faire maintenant enregistrer en 1995, et qui était déjà disponible en DVD depuis presque une vingtaine d'années, et maintenant trouvable de façon un peu plus facile, puisqu'on y trouve donc le double CD audio et le DVD. And so the seasons change, and all things return. Ouf, que dire après ça? Superbe version avec un superbe solo de Steve Morse sur Anya qu'on peut trouver sur le CD DVD Bombay Calling sorti fin août. Et il nous reste un peu plus de 20 minutes pour terminer Electric Shock. Electric Shock, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe que bah, vous connaissez parce qu'on a déjà passé leurs précédents opus. C'est les Parisiens de Red Morning qui viennent de nous sortir leur cinquième opus qui s'appelle Flowers and Feathers. Alors, comment décrire Red Morning? C'est un mélange de blues intimiste avec de violence hardcore, mélange de guitare saturée, de voix hurlée, puis par un moment... de l'harmonica, du banjo, plein de choses. Ça fait penser aussi des fois par moment aux éruptions de Down, à des groupes aussi de grunge. Enfin bref, c'est un groupe vraiment inclassable. Et ben, on va se faire ce soir le morceau qui a donné son titre à l'album, c'est-à-dire Flowers and Feathers. We'll be right back. défunt Soundgarden, à l'instar de son regretté leader, le chanteur-guitariste Chris Cornell. Avec donc là un extrait de l'album, je crois, le plus connu, Super Unknown, c'était Let Me Drown. Juste avant Soundgarden, c'était la dernière nouveauté de la soirée, avec le groupe parisien Rain Morning et son cinquième album Flowers and Feathers, et c'était donc le morceau-titre. Continuons en live avec Orianti, la chanteuse-guitariste qui nous a sorti donc un CD-DVD live cet été, intitulé Live from Hollywood. Et d'ailleurs, Orianti va nous sortir son prochain album solo, qui doit sortir normalement vendredi, voilà, pour les fans. Donc, extrait de ce live, Impulsive. Yeah. my crown. Run my name into the ground. Life's what you make it, no one's to blame. And now the madness is the price of fame. You tried to stop me, but I'm coming anyway. I am relentless, like a freight train coming through the driveway. You remember, like a fire in the wind, I don't feel pain. I am relentless, all you try to do is drive me insane. You're never gonna keep it down. I am Ça, c'était Lita Ford, extrait de son album Live The Beach Is Back, live sorti en 2013. D'ailleurs, c'est le seul opus live de toute sa carrière. Juste avant Lita Ford, donc Orianti, avec son Live From Hollywood, sorti lui cet été, et c'était le morceau Impulsive. Donc, comme je vous le disais, Lita Ford, c'est le dernier morceau pour Electric Shock ce soir. Alors, vous savez ce qu'il y a le 30 octobre? Eh bien, le Salon du Disque fait son retour, comme tous les ans. Et c'est pour ça que je vous invite à ne surtout pas rater Electric Shock la semaine prochaine, puisque comme tous les ans, à la même époque, Roger, l'iconique disquaire orléanais, viendra nous rendre visite et nous parler du salon qui, cette année, aura lieu non pas à Orléans, mais à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Et il va nous parler donc des nouveautés, de tas de choses, comme chaque année, d'ailleurs. En attendant, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez encore tout le temps d'écouter plein de métal, bien sûr. La semaine va être longue jusqu'à mardi prochain, donc écoutez plein de métal et Radio Arc-en-Ciel, et surtout, portez-vous bien, et je vous retrouve mardi prochain en compagnie de l'ami Roger de Planète Claire. Allez, salut à tous!